Chapitre 24e. Qui croire ? Dutilleul referma la portière et démarra. Il n'était pas totalement satisfait, car en fait, il n'avait guère glané d'éléments intéressants. Si ce n'est que Marion Chardy dissimulait sa relation avec Malik Boucharif à ses amis. Cependant, à bien y réfléchir, le fait ne paraissait pas si étonnant. En effet, Dutilleul en venait à douter que Marion ait entretenu un grand degré d'intimité avec ses amis. D'après tous les témoignages qu'il avait pu recueillir, il ressortait que Marion était une jeune fille très intelligente qui avait dû rapidement voir clair dans le jeu de la fameuse Jessica. Aurore Fèvre se morfondait de ne pas avoir été plus proche de Marion et sa culpabilité présente se comprenait très bien. Toutefois, la récolte se révélait bien maigre. Marion devait être à la fois sociable et secrète. Une chose, cependant, l'intriguait. La façon dont elle parlait de son argent à ses amis. Pour Aurore Fèvre, celui-ci était un poids, alors que selon Boucharif, il était d'une telle importance que Marion s'apprêtait à demander des comptes. Qui disait vrai? Devait-il écarter d'entrée Boucharif à cause de son casier? C'était allé un peu trop vite en besogne. Si Dutilleul se référait à l'entretien qu'il avait eu avec Maître Vérel, Marion vivait bien la chose, mais n'avait aucun désir d'en prendre tout de suite le contrôle. Elle avait demandé et obtenu un délai supplémentaire de 3 mois avant de le gérer par elle-même. Dutilleul pouvait au moins se reposer sur cette certitude, puisque les papiers avaient été signés en ce sens. De plus, il n'était pas si sûr que Marion ait eu l'intention de réclamer des comptes à Mousseron. Peut-être avait-elle dit cela sous le coup de la colère, mais alors, dans quelles circonstances précises ? Ne s'agissait-il pas plutôt d'une nouvelle tentative de manipulation de Malik Boucharif ? Vérel avait peut-être raison. L'épisode de la télé n'est peut-être pas si anodin après tout. D'ailleurs, pourquoi Malik Boucharif s'était-il bien gardé de l'évoquer devant lui ? Le temps ne lui avait pourtant pas manqué. Avait-il tenté de convaincre Marion qu'il se passait des choses tordues chez CM Process ? À moins qu'il n'ait tenté de le manipuler lui, Dutilleul. On pouvait même se demander si cette fameuse discussion avait bien eu lieu. En effet, Marion était mieux placée que personne, en dehors de Vérel, pour savoir que CM Process tournait tout à fait correctement. Dutilleul se dit qu'il était bon pour une seconde visite à Fleury, même s'il devait s'avouer qu'il était déçu de découvrir que Boucharif n'avait pas été totalement franc avec lui. Que lui avait-il caché d'autre ? Boucharif venait incontestablement de marquer de bien mauvais points. La circulation était épouvantable, mais Dutilleul n'en décida pas moins d'appeler Mado sur son téléphone de voiture. Heureusement, on lui avait installé le kit main libre. Mado répondit à la 3e sonnerie. Elle avait sa voix professionnelle. Dutilleul décida de se faire passer pour un Allemand de passage à Paris, mais Mado le reconnut pratiquement tout de suite. « Tu m'appelles d'où ?»« De mon téléphone de voiture. »« C'est pour cela que je ne reconnaissais pas le numéro. »« Alors qu'est-ce qui se passe, mon tilleul ? Tu craques ?» Dutilleul préféra ne pas répondre. Mado avait le nez creux. « On peut se voir ce soir ?»« Ce soir, j'ai un client à 18h, mais après, ça va. »« Tu penses en avoir pour combien de temps ?»« Avec Ernest, la prestation doit être de qualité. »« C'est un vieux client et, pour tout te dire, je suis assez heureuse de le voir. » »« Qu'entends-tu par assez heureuse ?»« Eh bien, si tu veux tout savoir, Ernest, c'est mon numéro 2. »« Tant que cela ?»« Oui. Je sais qu'il est comme toi. » Il ne me laissera jamais tomber en cas de coup dur, et même si ce n'est pas un très bon coup au lit, ça n'empêche pas de bien le soigner, surtout que sa bourgeoise lui mène la vie plutôt rude à Ernest. « Ah, je vois ce que c'est, » dit Dutilleul, sans aucune moquerie. « C'est un client parlotte. Je crois que tu m'en as déjà parlé. Il ne vit pas du côté de Lons-le-Saunier. Tout juste, je le vois environ tous les 2 mois. Je suis sa détente indispensable. » « Il n'est pas le seul, » soupira Dutilleul. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Je te sens contrarié. »« Bon, ce n'est pas grave. »« C'est curieux, j'ai déjà entendu ça. Pointe-toi à 20h, mais surtout pas avant. Je te masserai. »« Comment va ton cou ?»« Mieux. Michonnier m'a donné des anti-inflammatoires. »« Ok. Mais c'est comme tout, mieux vaut ne pas en abuser. »« Si seulement tu me disais où tu trouves ton huile de cyprès. »« Ce qui est bien avec toi, c'est que tu ne te lasses jamais. » C'est le métier qui veut ça. Ouais. Mais ne compte pas sur moi pour cracher le morceau. Tu es où exactement ? En banlieue et cela circule mal. Ne me dis pas que tu m'appelles parce que tu t'ennuies. Eh bien si, un peu. répondit Dutilleul, vaguement gêné. « Écoute la radio. Je suis sûr que tu devrais finir par trouver une animatrice à la voix sexy. » Je n'aime ni les promesses ni les mauvaises surprises. Avec les physiques de radio, il faut se méfier. Moi, je ne crois que ce que je touche. Eh bien, tu n'es pas rendu. À présent, je te laisse, ça sonne. Ne te fatigue pas trop. Pourquoi, tu as peur d'être lésé? Mado raccrocha sur ce bon mot. Dutilleul suivit les conseils de Mado et mit la radio. Il arrêta son choix sur une station qui diffusait du classique. Il n'avait aucune envie d'entendre de Parlotte. Secrètement, il admirait Mado pour la fidélité qu'elle pouvait témoigner à certains clients. Pour cet Ernest, elle jouait plus les psys qu'autre chose et Dutilleul devait bien reconnaître que dans ce domaine comme dans d'autres, elle n'était pas sans talent. Ce qu'il aimait aussi avec Mado, c'est qu'elle n'avait pas de fausse pudeur. Elle assumait pleinement sa profession. Elle aimait vraiment ses différents clients. Pour la plus grande majorité, on avait dépassé le stade du simple chèque depuis bien longtemps. C'était plus que du sexe. Il n'y avait aucune vulgarité. On en profitait pour s'épancher. Mado savait écouter, réconforter, conseiller. Dutilleul n'avait aucun mal à comprendre pourquoi ces hommes s'étaient attachés à elle au fil du temps. C'était une grande professionnelle qui connaissait les obsessions de chacun. Elle avait des clients de tous niveaux sociaux. Elle n'était pas arriviste, même si elle était issue d'un milieu très modeste. Elle était parvenue à conserver quelque chose de provincial, malgré les années. Ainsi, elle pouvait se montrer d'une naïveté désarmante. C'était peut-être ce trait de caractère que Dutilleul appréciait le plus. Il avait hâte de se retrouver entre ses mains qui le connaissaient si bien. Dutilleul arriva chez Mado à 20h15, après avoir bataillé près de 2 bonnes heures. Celle-ci l'accueillit avec sa bonne humeur coutumière. Elle le massa longuement, puis ils firent l'amour doucement, presque avec gourmandise. Une fois de plus, Dutilleul fut stupéfait d'avoir si faim du corps de Mado. Il n'en avait jamais assez, et même s'il tâchait de repousser le plus possible le moment de se rendre, c'était toujours bien trop tôt à son goût. Il était près de 10 heures quand ils se mirent à table. Dutilleul n'avait pas très faim, mais Mado le força à manger. Au menu, il y avait du poulet froid et de la salade. Finalement, la volaille était si succulente que Dutilleul s'en resservit une part. Il lui plaisait de manger dans la petite cuisine de Mado. Sa propre cuisine, pourtant, était autrement mieux équipée, mais il la trouvait froide et sans âme, même s'il ne devait pas sans cesse jouer des coudes comme chez Mado. C'était peut-être ce dernier aspect qui l'amusait le plus. « Tu peux dormir là, si tu veux. J'ai fait nettoyer ton costume gris et il te reste 2 chemises propres. Il ne fallait pas t'en charger. C'est tout de même à moi d'y penser. » « Laisse. Cela fait bien rire Luigi, le gars du pressing. Il imagine que je suis casé. »« Naturellement, tu ne comptes pas le détromper. »« Que veux-tu? Il faut bien lui faire comprendre que pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture. »« Au moins, cela ne m'oblige pas à l'inclure à mon paddock. » Dutilleul ne put s'empêcher d'éclater de rire. « Tu as parfois des expressions pleines de poésie. Sommes-nous donc des chevaux ?»« Disons plutôt mes étalons. » répondit-elle d'une voix pleine de sous-entendus coquins. « Compterais-tu me mener à la monte ?»« Absolument. Il faut bien que tu fasses ton office. Pardonne-moi de te rappeler que c'est ta fonction première. » Dutilleul répondit alors sur un ton faussement fataliste. « Alors, je vais m'y employer. » Le matin suivant, Dutilleul était de bonne humeur, comme souvent quand il avait passé la nuit avec Mado. Pourtant, il n'était pas particulièrement en avance. Il avait déposé son linge au pressing et avait vu le fameux Luigi. Dutilleul se dit qu'effectivement, il aurait pu se méfier, du moins s'il avait été d'un naturel jaloux, car il y avait indéniablement là matière à concurrence. Le garçon, qui devait avoir une bonne 30aine d'années, ne manquait pas d'allure. Assez grand, de grands yeux sombres légèrement attirés sur les côtés, Mado ne lui avait pas menti, il était tout à fait son type.